La légende du bienheureux Saint-Yves par Pitre Chevalier. À monsieur le docteur D. Fouillez dans votre écrin breton, m'avez-vous dit, cher monsieur, et si vous n'y trouvez ni perles ni diamants, tirez-en du moins pour nous quelques pierres originales, ne fût-ce qu'un de ces morceaux de carcenton que taillaient si merveilleusement vos artistes armoricains. En d'autres termes, contez au lecteur du musée des familles une de ces 1000 traditions de votre vieille Bretagne, que les pèlerins ou les mendiants vous auront débité au pardon de Notre-Dame de Bon Secours ou de Saint-Jean du Doigt. Je m'empresse, monsieur, de vous obéir, et voici un des plus curieux feuillets de mon portefeuille, si tant est qu'il n'y a rien de curieux. Je vous préviens seulement qu'il ne s'agit point ici d'amour, ni d'intrigue, ni de coups d'épée, ni de coups de poignard. Ceci n'est ni une nouvelle, ni un roman, ni une histoire, ni un conte, ni une chronique, ni un voyage. Ce n'est pas surtout un mystère. C'est une sainte légende qu'il faudra lire, comme je l'écris moi-même, avec la foi sincère et naïve du charbonnier. Il n'est pas de tradition plus populaire en Bretagne, depuis la vieille tour de la cathédrale de Dole jusqu'au moderne clocher de Lannion. La légende de Saint-Yves est le parfait résumé de l'esprit superstitieux et railleur, indolent et rusé, moitié celtique et moitié français, de ces paysans des côtes de Tréguier, qu'on appelle avec raison les Allemands de la Basse-Bretagne. Quelle biographie d'ailleurs peut offrir plus d'intérêt en France que celle du patron des avocats, en France où tout citoyen majeur a plus ou moins volontiers fait son droit. Puissais-je ajouter à un intérêt aussi national quelque chose de l'accent naïf et fin du Cloarec trégorois qui m'a le premier conté cette légende. Chapitre 1er. Je venais d'explorer le département des Côtes du Nord avec la patience d'un antiquaire et la religion d'un pèlerin. J'avais surtout étudié minutieusement les gothiques usages de cette moyenne Bretagne. Au milieu des masses de granit rose, que la vague enlace de sa blanche plume, j'avais vu les parents du noyer suivre de leurs yeux en pleurs le cierge allumé sur un pain noir, qui doit indiquer la place où gît le cadavre dans son linceul de Goémon. J'avais surpris, au bord de la fontaine de Saint-Michel, le paysan volé par un de ses voisins, murmurant tout bas les noms suspects en vidant sa panetière dans l'eau. Le nom prononcé au moment où le pain touche le fond est infailliblement celui du voleur. J'avais entendu, dans la chapelle de Notre-Dame de la Haine, des voix mystérieuses implorer la vengeance au pied de la mère du Dieu des pardons. Bref, la tête meublée de souvenirs et d'images, l'album chargé de notes et de croquis, je retournais, par un beau soir d'automne, à la ville de Tréguier. Les hameaux étagés sur les collines, les donjons couronnés de lierre, les clochers à jour élancés vers le ciel, apparaissaient et disparaissaient devant et derrière moi parmi les feuillets jaunissantes. Le soleil se couchait sous un rideau de pourpre et d'or. Ses derniers rayons couvraient la mer d'une nappe de feu, et la marée montante, sous l'impulsion d'un air tiède et doux, faisait entendre au loin ces immenses palpitations dont aucune harmonie ne saurait donner l'idée. Tout à coup, à travers les bruits mourants dont la nature se berce au moment de s'endormir, une voix fraîche, distincte et vibrante, s'éleva d'un champ de luzerne ombragé de pommiers chargés de fruits. Et tandis que tous les échos d'alentour tressaillaient à cet appel inattendu, une belle et vigoureuse tête, aux longs cheveux, se dressa comme le faune antique au-dessus des chèvrefeuilles d'un talus. Je reconnus, à son costume moitié clérical et moitié laïque, un de ces jeunes cloères, paysans séminaristes, dont fourmille le pays de Tréguier, qui s'en vont le soir récitant avec dévotion leur bréviaire sur les grèves sonores de la côte ou racontant leur naïve tendresse aux nymphes des chemins creux dans ces poésies sans titre et sans nom qui flottent, comme les fils de la Vierge, à travers l'atmosphère bretonne au temps des vacances ecclésiastiques. Il n'est pas en armorique de Ciceroni mieux instruit et plus complaisant que ses écoliers poètes. J'abordai donc résolument mon jeune chanteur. Quelques mots échangés dans la vieille langue celtique nous firent bons amis, et l'instant d'après nous cheminions côte à côte sur la route de Tréguier. « Que chantiez-vous là tout à l'heure ?» demandai-je à mon compagnon. « Je chantais le cantique de Saint-Yves, mon illustre patron, » me répondit-il. « Après le pater et l'abbé Maria, c'est la première chose qu'on enseigne aux enfants de Tréguier. Et les enfants de Nantes ont-ils aussi le droit de l'apprendre ? Pourquoi pas, s'ils en ont la patience ? Eh bien, je l'aurai. Apprenez-moi le cantique de Saint-Yves. Le Cloarec sourit malicieusement en me regardant par-dessus l'épaule. « Je vous préviens, » dit-il, « que la première leçon durera jusqu'à demain matin. »« Jusqu'à demain matin, bon Dieu ?»« Oui. Le cantique de Saint-Yves a 366 couplets. Autant qu'il y a deux jours dans les années bissextiles. C'est la mesure ordinaire des complaintes trégoroises. » Je renonçais de rancœur aux 366 couplets, et je me bornais à en réclamer l'analyse. « Alors, » reprit le Cloarec, « je vais tout simplement vous raconter la légende édifiante et curieuse du patron des avocats. Racontez, je vous écoute. » Mon cicérone fit gravement le signe de la croix et se disposait à prendre la parole, lorsqu'ayant jeté un coup d'œil dans le lointain, il me montra du doigt trois points à l'horizon. « Voyez-vous, me dit-il, ce manoir gothique dont les fenêtres à croisées de granit sont défendues par des grilles en fer, je le vois. Voyez-vous cette chapelle d'une construction plus moderne, et dont le clocher s'élève au-dessus du feuillage, je la vois. Voyez-vous enfin la flèche à jour de la cathédrale de Tréguier, qui se dresse avec grâce à côté de la lourde tour de Hastings, je vois tout cela. Eh bien, ce logis est le manoir de Kermartin, où le bienheureux Saint-Yves naquit le 11 octobre 1253 et mourut le 19 mai 1303. Cette chapelle est celle qu'on éleva, 40 ans après, sous son invocation, et dans laquelle nous trouverons son testament et son bréviaire. Dans cette cathédrale, enfin, vous pourrez voir sa tête, précieusement conservée, à côté des reliques de Saint Pabu. C'est-à-dire que nous sommes au milieu des souvenirs sacrés de Saint-Yves. Je suis d'autant plus impatient d'entendre son histoire, et vous serez d'autant mieux inspiré pour me la raconter. » Le Cloarec refit le signe de la croix et commença ainsi. Chapitre 2e. Le bienheureux Saint-Yves, patron des avocats, des jurisconsultes, des justiciers et des capucins bretons, était fils d'Elori, seigneur de Kermartin, et petit-fils de Tanneuil Coutancrède, chevalier renommé dans les guerres. Lorsqu'il vint au monde, Innocent III occupait la chaire de Saint-Pierre, l'empereur Conrad régnait en Allemagne, et la Bretagne était gouvernée par le duc Jean le Roux. Sa mère, la pieuse Azo du Quinquis, ayant révélation de sa future sainteté, lui donna pour précepteur, en la maison paternelle, le docte Jean de la Vieuville, qui lui enseigna les premiers rudiments des sciences, le conduisit aux églises, et lui apprit à répéter chaque jour les heures de Notre-Dame. Quand il eut 14 ans, son père l'envoya achever ses études à Paris, où il habita la rue aux Fèvres et la rue du Clomineau, et devint bientôt maître passé dans la logique, les arts, les décrétales, la théologie scolastique et le droit canon. De Paris, il alla à Orléans se perfectionner dans le droit civil sous le fameux jurisconsulte Pierre de la Chapelle. Enfin, il revint à Rennes, où la fréquentation d'un cordelier versé dans l'interprétation de l'Écriture sainte lui inspira le désir de quitter le monde pour entrer au service de l'Église. Déjà la Bible était devenue son bréviaire. Il la méditait tous les jours et la posait toutes les nuits sous son chevet. Ordonné prêtre, l'archidiacre de Rennes le prit pour official, juge ecclésiastique, mais quoiqu'il retirât plus de 50 livres par an de cette charge, trouvant le peuple de Rennes par trop litigieux, il voulut regagner son pays. Gratifié d'un cheval par l'archidiacre, il le vendit aux portes de la ville et en donna le prix aux mendiants. Messire Alain de Bruc était alors évêque de Tréguier. Il reçut le jeune Yves comme un envoyé de Dieu, lui confia l'officialité de son siège et la paroisse de Trédet, à 2 lieues de Lannion. Le jour même de son installation, Yves se rendit à l'hospice de la ville, se dépouilla de son costume d'official, de son chaperon, de sa robe de fourrure et de ses bottes, les distribua aux pauvres, et se retira plus pauvre qu'eux. Puis il remplit son office de juge ecclésiastique avec une telle bonté que jamais il ne condamnait un coupable sans verser des larmes, réfléchissant que lui-même serait jugé à son tour. Sa perspicacité n'était pas moins admirable que son indulgence. Un riche avare de Tréguier assigne un jour son pauvre voisin pour en obtenir des dommages-intérêts. « À quel titre réclamez-vous ces dommages ?» demande l'official. « Figurez-vous, monsieur, que c'est moi qui nourris ce misérable, » répond le riche. « Il ne vit depuis un an que de l'odeur de ma cuisine. »« Quelle abomination !» dit Saint-Yves. « Vous serez indemnisé. » Le pauvre de trembler à ces mots, et l'avare de se réjouir d'avance. Le juge signifie à celui-ci d'approcher. Il fait tinter à l'oreille 2 pièces de monnaie, dernier trésor du pauvre. « Entendez-vous bien cela ?» lui demande-t-il. « À merveille !» s'écrie le riche en avançant la main. « Eh bien, vous voilà dédommagé, » reprend Saint-Yves. « Le son, belle odeur !» Puis il condamne le riche aux dépens dont il grossit la bourse du pauvre. « Sic ars deluditur arte !» Car l'art détruit l'art. Yves s'attachait avant tout à concilier les parties. S'il n'y pouvait parvenir, il assistait fortement la bonne cause, plaidant gratis pour les indigents, leur donnant de l'argent pour appuyer leurs droits, allant jusqu'à poursuivre à ses frais l'appel des sentences rendues contre eux. C'est ainsi qu'il se rendit à Tours pour confondre un gentilhomme qui refusait le mariage à une demoiselle de Tréguier. Mais, tandis qu'il menait à bien cette affaire, un tout autre procès vint lui tomber sur les bras. La riche veuve, qui était son hôtesse, accourt à lui les yeux noyés de larmes. « Ah, monsieur mon hôte, je suis ruiné sans ressources, je perds 200 écus d'or si votre bonté ne me vient en aide. » Saint-Yves la console, lui recommande la confiance en Dieu et la prie de lui exposer son aventure. « Il y a quelques semaines de cela, » reprend la veuve en essuyant ses larmes, « deux marchands vinrent loger ici et me confièrent une grande bougette de cuir fort pesante et fermée à clé, m'ordonnant de ne la rendre à aucun d'eux sans que l'autre fût présent, ce que je leur promis de bien faire. Deux ou trois jours après, étant sur ma porte, je les vis passer avec d'autres marchands. « Au revoir, l'hôtesse, » me dirent-ils. « Accommodez-nous un bon souper, nous reviendrons tout à l'heure. » Et ils continuèrent leur chemin. À peine avaient-ils disparu, que l'un d'eux rentra en courant et me dit « Donnez-moi un peu la bougette. Nous avons un paiement à faire à ces marchands qui nous accompagnent. » Croyant cet homme d'aussi bonne foi que moi-même, je lui remis la bougette. Il l'emporta, et je ne l'ai pas revu depuis. Le soir, l'autre marchand revint au logis et me demanda des nouvelles de son compagnon. « Je ne l'ai point revu, » répondis-je, « depuis que je lui ai remis la bougette. »« La bougette ?» s'écria le marchand. « Comment ? Vous lui avez remis la bougette ?» Et le voilà qui éclate en gémissements et en reproches, déclarant que je l'ai ruiné pour jamais et que je lui en rendrai raison. « Et en effet, monsieur, » poursuit l'hôtesse en pleurant de plus belle, « ce méchant homme m'a traduit en justice pour avoir manqué à ma parole. Il a fait serment que sa bougette contenait 1200 pièces d'or et des lettres fort importantes. » Si bien que la cause est entendue, que j'attends demain ma sentence et que je suis perdu si vous ne me tirez de là. » Saint-Yves avait écouté ce récit avec le plus grand calme. « Mon hôtesse, » dit-il ensuite, « amenez-moi votre avocat que je m'entende avec lui. » L'avocat, venu, répéta ce qu'avait exposé sa cliente et avoua qu'il désespérait de la cause. « Eh bien moi, je n'en désespère pas, » dit Saint-Yves. « Laissez-moi plaider à votre place et gagner vos honoraires. » C'était tout profit, sans aucune peine, que l'avocat eût refusé ce marché. Le lendemain, l'hôtesse se rendit à l'audience avec son nouveau défenseur. L'affaire appelée, Yves demanda de voir en face la partie adverse, et le marchand comparut. Puis on exposa l'état de la cause, et on allait prononcer la sentence, lorsque l'homme de Dieu s'exprima ainsi. « Nous avons à produire, monsieur le juge, un nouveau fait qui doit avoir la plus grande influence sur la décision de ce procès. La défenderesse, ma cliente, a fait de telles démarches depuis la dernière audience qu'elle a retrouvé la bougette dont il est question. Nous l'exhiberons quand la justice l'ordonnera. Exhibez-la donc tout de suite, s'écria l'avocat du demandeur, et prouvez que ceci n'est pas un vain prétexte pour retarder le jugement qui vous menace. Encore un mot, seigneur juge, reprit imperturbablement Saint-Yves. Quel est le crime que le marchand reproche à notre hôtesse? C'est d'avoir remis la bougette à son compagnon sans que lui-même fût présent, contre le serment qu'elle avait fait de ne la rendre qu'à tous deux réunis. Cette faute lui coûtait trop cher pour qu'elle la commette une seconde fois. Que les deux marchands se présentent ensemble et nous exhiberont la bougette. Il n'y avait rien à dire à un tel raisonnement. La sentence demeura suspendue et le juge fixa un jour pour voir comparaître les deux marchands. En entendant cette décision, le demandeur se prit à pâlir et à trembler si fort que tous les assistants le remarquèrent. Plus frappé qu'aucun autre de son trouble, et l'interprétant selon lui, le juge le fit arrêter et conduire en prison, si bien que l'accusateur civil devint accusé criminel. Saint-Yves le força bientôt d'avouer qu'il n'était qu'un fripon, que son compagnon n'était qu'un compère, que la bougette ne renfermait que de vieux clous, et qu'il avait voulu embler 1200 écus d'or à l'hôtesse. Le misérable fut pendu au hicourt au gibet de la ville, tandis que la veuve et tous les assistants ramenaient Saint-Yves en triomphe. Quelques mauvaises langues prétendirent que la défenderesse était encore jeune et jolie, et qu'il n'y avait pas grand mérite à plaider pour de si doux yeux. Mais ce n'était pas l'official de Tréguier qui eût pu s'en apercevoir, sa canonisation ayant établi qu'il n'avait jamais regardé une femme en face. De retour en Basse-Bretagne, le saint homme reprit ses travaux et ses bonnes œuvres. Outre ses honoraires, il distribuait aux indigents le revenu de son patrimoine, qui était bel et bien de 60 livres par an. Là-dessus, il entretenait deux écoliers dans leurs études, il les faisait dîner à sa table, les jours de fête, avec tous les pauvres de la paroisse. Ces pauvres n'avaient point d'autre logis que la maison de l'official à Tréguier, ses deux presbytères de Trédé et de Loanec, et son manoir de Kermartin. Non content de les loger, de les nourrir, de leur donner son blé à plein boisseau, et de coucher sur la dure pour leur laisser son lit, il se faisait un bonheur de les servir, de les soigner, de leur laver les pieds et les mains, de décrotter leurs souliers et leurs haillons. Un jour, n'ayant plus de pain sur la planche ni d'argent dans sa bourse, il mit en gage son chaperon pour soulager un malheureux. Un autre jour, il se dépouilla si bien pour vêtir des pauvres qu'il dut attendre, enveloppé d'un loudier, que son couturier lui apporta une robe et un capuchon neuf. Puis, comme il allait mettre cette robe et ce capuchon, voyant passer un autre pauvre demi-nu, il lui jeta sur les épaules et resta dans ce loudier. S'il mourait des malades à l'hôpital ou sous son toit, c'était lui qui les ensevelissait dans ses draps les plus blancs et qui les portait au cimetière avec quelques pieuses personnes. Dès que sa récolte était faite, il la vendait pour en distribuer le prix à un aumône. « Vous feriez mieux d'attendre comme moi, » lui dit une fois un de ses paysans. « Le blé renchira sur la morte saison. » « C'est possible, » répondit Saint-Yves, « mais qui m'assure que je serai encore en vie ?» À la fin de l'année, le même paysan revint lui dire tout joyeux, « Eh bien, je ne me trompais pas. J'ai gagné le quintuple sur ma récolte. Et moi, j'ai gagné le centuple, mon ami. Comment cela ? En donnant tout aux pauvres. » Dieu n'attendit pas la mort de Saint-Yves pour l'honorer par des miracles. Un soir, comme il rentrait à Kermartin, n'ayant rien à donner à un mendiant, il remit son chaperon. Or, quelle fut sa surprise en arrivant chez lui, d'en retrouver un tout pareil sur sa tête. D'un chaperon, le ciel en avait fait deux. Une autre fois, il trouva à sa porte un malheureux dévoré par la lèpre. Il le conduit à sa chambre, lui donne à laver, le fait asseoir, et le sert de ses propres mains. Après quoi, il s'assied pour manger à son tour, mais tout à coup, le lépreux devient si resplendissant que la chambre est inondée de lumière. « Dieu soit avec vous, » dit-il à Saint-Yves. « Vous avez assisté Jésus-Christ lui-même, et il disparaît. » Avec quelques livres de pain, multipliés sous ses doigts, il nourrissait 200 personnes. Un pèlerin, arrivé trop tard à Kermartin, n'ose frapper à la porte et passe la nuit sur le seuil. Au point du jour, il l'aperçoit là, et que fait-il ? Il le relève et l'introduit dans sa maison, le revêt de ses meilleurs habits, le fait dîner copieusement et souper de même, le couche le soir dans son propre lit, et va passer la nuit à la place où il l'avait trouvé le matin. Tous ces détails sont attestés par le procès-verbal de sa canonisation. Mais ce n'était pas seulement le pain matériel qu'il distribuait sans relâche, c'était surtout le pain de vie, la parole de Dieu. Il fallait l'entendre prêcher en latin, en breton et en français, dans sa paroisse, dans les églises voisines, à la suite de l'évêque, partout enfin jusqu'à 3 et 4 fois par jour. Jamais la cause divine n'eut de plus infatigable et de plus éloquent avocat. Tout prêchait en lui, disait l'évêque breton, qui ne l'appelait que le saint prêtre du Seigneur, Arbelex Aniel d'Azoué. En parcourant les campagnes, s'il voyait des villageois coupant les foins ou les blés, assemblés pour une aire neuve ou pour un grand charroi, il montait sur la charrette ou gravissait un talus, et faisait un si beau sermon que chacun tombait à genoux. Il tenait surtout contre les usuriers, les intempérants et les libertins. Témoins, l'avare Quérimel, les clercs débauchés Geoffroy, Autrey et Guillaume, qu'il convertit publiquement. Un jour qu'il prêcha Locronan en Cornouailles, le frivole seigneur de Coadpan affecta de sortir de l'église en le voyant monter en chair. Yves l'aperçut et l'apostropha ainsi. « Vous ne quittez pas ce lieu, seigneur de Coadpan. S'il y avait 3 ou 4 danseuses avec un trompette du diable. » Il désignait par là les sonneurs ou joueurs de cornemuse. Mais Dieu vous punira en cette vie et dans l'autre de fermer l'oreille à sa sainte parole. » En effet, ce gentilhomme devint paralytique et ne se guérit qu'après la mort de Saint-Yves en faisant un pèlerinage à son tombeau. Quand il était en prière ou à l'autel, sa ferveur réjouissait les anges. Avant de dire la messe, il se recueillait des airs entières, la tête enfoncée dans son capuchon. Un jour qu'il faisait ainsi ses actions de grâce dans la grande église de Tréguier, une colombe lumineuse vint se poser sur sa tête, s'élança de là sur l'autel et disparut avec un sillon de feu. Un autre jour, comme il tenait l'hostie pour l'élévation, un globe s'épanouit comme une rose enflammée sur le calice, en fit plusieurs fois le tour et alla se perdre aux vitraux du chœur parmi les rayons du soleil. En montant à l'autel un matin, il apprend qu'un fils veut intenter un procès à sa mère. Il quitte la chasuble et l'étole, court exhorter ce méchant fils, mais ne peut venir à bout de le calmer. « Mon ami, lui dit-il enfin, promettez-moi seulement d'attendre une heure avant d'agir. » Le fils y consent. L'homme de Dieu retourne dire la messe à son intention, et quand il revient, il trouve la mère et l'enfant dans les bras l'un de l'autre. Au milieu de tant de succès, rien n'égalait l'humilité de Saint-Yves. C'était l'offenser que de lui donner un éloge. Il se regardait comme la plus ignorante personne du monde. Dieu voulait bien l'inspirer, c'était là tout son mérite. Avoir ses habits et ses manières, on l'eût pris pour un mendiant. Il allait toujours à pied, même en accompagnant l'évêque de Tréguier dans ses visites pastorales. Son premier vêtement, celui qui ne le quittait jamais, était un cilice posé sur sa chair nue. Il portait là-dessus une grosse chemise en toile d'étoupe qu'il mouillait avant de l'endosser pour la rendre plus rude encore. Ayant pris l'habit de saint François au couvent de Guingamp, il s'accoutrait d'une robe grise et d'un capuchon de même étoffe, en bure si commune et si grossière qu'elle ne coûtait que 2 sous 6 deniers l'aune. Ses chaussures étaient les sandales des frères mineurs. Il s'humiliait en toute occasion devant les capucins, ses confrères. Lorsque, du haut de la chaire, il en voyait paraître un dans l'église, il s'interrompait court et lui cédait aussitôt la place. Souvent, le capucin, pris au dépourvu, refusait cet honneur, et une sainte dispute remplaçait alors le sermon. Dès sa première jeunesse, il avait renoncé à manger la chair des animaux. Il vivait habituellement de pain de seigle, d'orge et d'avoine. Il demeurait souvent jusqu'à 7 jours sans rien prendre, ravi en contemplation devant Dieu, et au bout de ce long jeûne, chose étrange, il se retrouvait parfois aussi dispos que s'il eût fait grande chair. Ses austérités redoublèrent pendant les 15 dernières années de sa vie. Il passait les nuits en extase ou en oraison, et ne dormait qu'une heure avant l'aurore. Un peu de paille sur une claie formait son lit. Une grosse pierre ou une Bible lui servait d'oreiller. Souvent même, il couchait sur un banc ou par terre, dans la sacristie de Tréguier, notamment à l'époque où l'argenterie de Saint-Hugues-du-Hal était convoitée par les officiers du duc, pendant la grande guerre des régales entre les barons et le clergé. Une nuit qu'il gardait ainsi son trésor, Saint-Hugues-du-Hal en personne sortit du reliquaire et conversa longtemps avec lui. Sa patience était à toute épreuve. Le trésorier de la cathédrale, dans un moment de fureur, le traitait de gueux, de coquin, de pique-bœuf, lui qui était de race noble. Il répondit seulement « Dieu vous le pardonne. » Des brigands lui ayant volé son blé, « Que Dieu les amende, dit-il, ils en ont besoin et moi aussi. » Les petits et grands miracles de Saint-Yves formeraient un gros volume. Allant un jour assister un mourant, il trouve un pont submergé, il fait le signe de la croix et l'eau se retire pour lui livrer passage. Un autre pont, le pont Losquette, s'était rompu sur la route de Tréguier à Lannion. On avait à grands frais préparé des poutres pour le reconstruire, mais au moment de les placer, elles se trouvèrent trop courtes. L'architecte se désespérait. Lorsque Saint-Yves vient à passer, « Vous avez mal mesuré ces poutres, dit-il, elles sont de longueur suffisante. » L'architecte, étonné, prend sa toise et tombe à genoux au pied du saint. La prière de celui-ci avait allongé les poutres de 2 grands pieds. Il y avait en la paroisse de Trévoux un pauvre homme tellement possédé du malin esprit que personne ne pouvait plus le contenir. On l'amène, pieds et poings liés, à Saint-Yves. Il le fait coucher avec lui et le rend sa famille doux comme un agneau. Mais le divin chef-d'œuvre de Saint-Yves fut la réparation de la cathédrale de Tréguier. Ce noble édifice troublait de vétusté lorsque notre bienheureux se chargea d'en arrêter la ruine. On se moqua de lui. Il laissa dire les moqueurs. Il alla d'abord demander de l'argent au duc, au seigneur, aux chevaliers, aux dames et aux demoiselles. Puis il fit des quêtes par la ville. Il recueillit de chaumière en chaumière les deniers des villageois. Bref, il réunit une assez forte somme pour payer l'architecte et les maçons. Voilà les murs remis à neuf. Restait la charpente et la toiture. Où trouver d'assez beaux arbres pour couvrir la maison de Dieu? Saint-Yves s'adresse au pieux baron Pierre de Rostrenant et obtient la permission de choisir les plus grands chênes de sa forêt. Il les désigne et les marque de sa main, et les géants séculaires tombent sous l'âge. mais il y a partout de méchantes langues, et plus que partout à la cour des seigneurs. Les flatteurs du sire de Rostrenan lui persuadent qu'il est la dupe de Saint-Yves, que, sous prétexte de recouvrir la cathédrale, la droite officielle lui dérobe ses plus beaux arbres et les vend à beaux écus comptants. Grande colère du baron qui fait venir Saint-Yves, l'accable d'injures. L'homme de bien reçoit cet orage avec sa patience ordinaire et répond simplement au seigneur qu'il se justifiera le lendemain. Le lendemain matin, le châtelain et sa suite, l'official et ses ouvriers se rendent à la forêt. Les accusateurs du saint étaient là, prêts à exagérer la quantité de bois abattu. On arrive, on regarde, oh prodige! Non seulement un très petit nombre d'arbres jonchaient la terre, mais tout à côté des troncs renversés, trois chênes au lieu d'un avaient repoussé dans la nuit sur chaque racine, et trois chênes bien plus forts et plus beaux que celui dont ils occupaient la place, de sorte qu'au lieu de rien perdre à cette opération, la forêt avait triplé de valeur. Barons, gentilshommes et ouvriers se jettent aux pieds d'Yves et baisent la poudre de ses sandales. Il va sans dire que Pierre de Rostrenan supplia le saint homme d'abattre tous ses chênes. C'eût été lui ôter une forêt pour lui en donner trois, mais le sage official ne prit que ce qu'il fallait pour achever la cathédrale. Plus chargé de travaux et de souffrances que d'années, Yves sentit bientôt venir son dernier jour. Le mercredi 15 mai, veille de l'Ascension, ses forces se trouvèrent à bout. Ne pouvant plus rester sur ses jambes, il se fit soutenir d'un côté par l'abbé de Beauport, de l'autre par l'archidiacre de Tréguier, et dit ainsi sa dernière messe en la chapelle de Kermartin. Il reçut ensuite la confession de ses pénitents ordinaires, puis il se coucha sur la claie qui lui servait de lit pour ne plus se relever. Seigneurs et bourgeois, prêtres et laïcs, hommes et femmes, vieillards et enfants, vinrent de tous côtés assister à son agonie. Elle dura 4 jours sans délire, sans faiblesse et, semblait-il, le jeudi matin, la chapelle étant pleine de fidèles, il trouva encore la force de leur adresser le plus beau sermon qu'il eût jamais prononcé, un sermon qui fit couler de tous les yeux des ruisseaux de larmes. Il alla ainsi jusqu'au dimanche, et son dernier soupir fut encore une parole éloquente. Il n'avait pas atteint sa 50e année. On transporta son corps à la cathédrale de Tréguier. Après l'avoir dépouillé de ses misérables vêtements, de son cilice, de sa chemise d'étoupe, de sa vieille soutane, de son chaperon de bure et de ses lourdes sandales, le peuple, accouru de tout le diocèse, se disputa les lambeaux de ses reliques. Ce fut à qui lui baiserait les pieds et les mains. Ceux qui ne pouvaient y parvenir le touchaient de leur chapelet et de leur médaille, qu'ils emportaient ensuite comme un trésor. Mais il fallait surtout voir et entendre les pleurs et les sanglots des veuves et des orphelins, des pauvres et des mendiants, qui redemandaient à grands cris leur père et leur tuteur, leur juge et leur avocat. Cette explosion de regrets redoubla pendant les obsèques, qui furent célébrées avec la plus grande pompe, et lorsque la chasse du saint disparut dans son tombeau, on eût dit qu'il ne restait plus que des orphelins en Tréguier. Bientôt les miracles commencèrent, et le procès-verbal de la canonisation les compte par milliers. Un innocent, condamné à la corde, invoque Saint-Yves du haut de la potence, et le bourreau ne peut venir à bout de l'étrangler. Un gentilhomme tombe à l'eau avec son cheval et ses bagages. Une simple prière le ramène au bord, lui, sa monture et sa valise, où étaient des papiers inestimables. Un enfant de Lannion se noie sur la côte à 2 lieues de la maison paternelle. On apporte son corps à sa mère, qui obtient sa résurrection en le vouant à Saint-Yves. « Qu'as-tu vu dans l'autre monde ?» lui demande-t-elle. « J'ai vu, » répond-il, « un seigneur vêtu de blanc, qui m'a pris par la main et m'a tiré du fond de la mer. » De pareils prodiges se renouvelant tous les jours, la voie publique réclama la canonisation d'Yves par l'entremise de Jean III, dit le Bon, duc de Bretagne. Le légat et les commissaires nommés par le pape entendirent 300 témoins. Et comme ces interrogatoires multipliés retardaient la conclusion, le clergé de Tréguier la devança hardiment en célébrant, en pleine cathédrale, la fête de Saint-Yves. Lorsqu'enfin la canonisation fut prononcée, en 1348, par Clément VI, Saint-Yves était déjà honoré et invoqué publiquement dans toute la Bretagne. Telle fut la vogue des pèlerinages à son tombeau, qu'elle fit tomber les pèlerinages à Rome et nuisit même au dernier voyage en Palestine. Les lenteurs de la canonisation du patron des avocats ont été traduites de la manière la plus piquante par les paysans de Tréguier, qui ne manquent pas d'ajouter ces inventions satiriques à la pieuse légende. Échappé, comme on a vu, aux douleurs de ce monde, ce sont les paysans qui parlent, Saint-Yves arrive à la porte du ciel. Saint-Pierre reconnaît un avocat et refuse prudemment d'ouvrir. Mais Yves parvient à tromper sa vigilance et il s'introduit caché dans la foule. Malheureusement, Saint-Pierre le reconnaît encore à son odeur de papier timbré et le somme de quitter le paradis. « Je ne sortirai pas, » répond l'official, « avant qu'un huissier, pièce en main, vienne m'en intimer l'ordre. »« Qu'à cela ne tienne, » dit Saint-Pierre, « il y a des huissiers partout. » Et voilà le prince des apôtres qui cherche un huissier parmi les bienheureux. Mais il lui fut impossible d'en trouver un seul, car jamais huissier n'avait pris place au ciel. Et ce fut ainsi que, bon gré mal gré, Saint-Yves resta au nombre des élus. D'autres paysans racontent différemment la chose. Yves se présente à la porte du ciel avec une troupe de religieuses. « Qui êtes-vous ? » demande Saint-Pierre à l'une des saintes femmes. « Nous sommes religieuses, » répond-elle au nom de ses compagnes. « Vous avez le temps d'attendre, » reprend l'apôtre. « Le paradis est déjà plein de religieuses. » Et s'adressant à Saint-Yves, « Qui êtes-vous, à votre tour ? Je suis avocat. »« Avocat ? » s'écrie Saint-Pierre. « Dieu soit loué. Nous n'avons pas un seul avocat dans le ciel. Entrez, entrez vite. » Ces anecdotes, devenues populaires, excitèrent au XVIIe siècle la bile du jurisconsulte Jean Robert, qui publia à l'aide, en 1632, une liste de 50 avocats canonisés, avec menace d'allonger indéfiniment cette liste si les mauvaises langues s'acharnaient à poursuivre les avocats jusque dans l'autre vie. Cette menace ne put mettre un frein aux mauvaises langues. Un panégyriste de Saint-Yves, prêchant devant les avocats, s'écrit un jour en pleine chaire « Saint-Yves faisait le bien de tous et vous le prenez, pour patron ». Enfin, on chantait jadis en Bretagne publiquement, dans les églises, une hymne qui commence ainsi sur l'air « Laudia Sion Salvatorem »« Sanctus Ivo erat Brito, advocatus et non latro »« Res Miranda Populo »« Saint-Yves était un breton, avocat sans être larron »« Chose incroyable, se dit-on. » Ces colibets trigorois sont aujourd'hui passés de mode et pour cause. Si le ciel était fermé aux avocats, presque tout le XIXe siècle serait damné. Les plus illustres personnages ont honoré Saint-Yves. Charles de Bois, le compétiteur de Jean de Montfort à la couronne de Bretagne, avait rédigé dans sa prison d'Angleterre une vie de ce saint, qui s'est malheureusement perdu. Le connétable du Guesclin légua en mourant 500 livres de cire blanche au tombeau de Saint-Yves. Une confrérie bretonne fut établie à Rome en son nom par la duchesse Anne, deux fois reine de France. L'année même de sa canonisation, les étudiants bretons à Paris fondèrent, rue Saint-Jacques, la chapelle de Saint-Yves, où l'on voyait avant la Révolution une multitude de vieux sacs de palais, suspendus à la voûte par les plaideurs qui avaient gagné leur procès. En 1420, le duc Jean V donna, pour sa délivrance, son pesant d'argent au tombeau de Saint-Yves. Les boulangers bretons ont pour Saint-Yves une dévotion particulière. C'est lui qui fait lever leurs pâtes avant qu'ils la mettent au four. Chapitre 3e. Au moment où le cloarec, mon cicérone, achevait ce récit, nous arrivâmes devant la chapelle de Saint-Yves, située tout près du manoir de Carmartin. J'y reconnus l'architecture gothique du XIVe siècle, et j'y examinai respectueusement le bréviaire que le grand saint lisait autrefois dans l'avenue de son château. C'est un très beau manuscrit sur Bélin, de la fin du XIIIe siècle. Les caractères en sont petits, mais tracés avec une perfection que l'imprimerie dépasserait à peine. Je m'aperçus avec regret que plusieurs feuillets avaient été arrachés par l'indiscrète dévotion des fidèles ou des antiquaires. J'en fis des reproches sévères au sacristain, qui sans doute avait touché le prix de ces saintes reliques, et j'espère qu'aujourd'hui le bréviaire de Saint-Yves est à l'abri de la mutilation. Quant au testament du bienheureux, qu'on me fit voir dans un grand tableau suspendu au mur, j'en trouvais l'écriture aussi moderne que le tableau lui-même, et je me contentais d'en étudier l'esprit sans m'occuper de la lettre. Ce tableau, en effet, n'est qu'une copie du testament de Saint-Yves. Le seul mérite de cette copie est d'être exact. J'en ai fait la vérification aux actes de Bretagne. De la chapelle, nous passâmes au manoir, édifice assez curieux du XIIIe siècle. C'est un seul corps de logis avec une porte en ogive. À droite, je vis la chambre de Saint-Yves et le lit sur lequel il mourut sur sa claie. Ce lit est clos comme ceux des paysans bas bretons. Il est d'un très beau chêne, sculpté d'ornements gothiques. Il n'a pas subi moins de dégradation que le bréviaire. Chaque pèlerin en coupe et en emporte un morceau. Les fenêtres de la chambre sont défendues par de fortes grilles de fer. Une autre chambre, située au-dessus, a des fenêtres à croix de granit. Celle de la grande salle offre la même particularité. Le manoir de Kermartin appartient, je crois, à la famille de M. de Kellen, l'ancien archevêque de Paris. Il ne nous restait plus à visiter que la cathédrale de Tréguier. Nous y fûmes en quelques instants. La vue du crâne de Saint-Yves me consola difficilement de l'absence de son admirable tombeau, construit à si grands frais par Jean V et détruit par les Vandales de 1793. Je remerciai mon jeune guide de sa légende et de ses précieux renseignements. Je le recommandai à la protection de Saint-Yves et je poursuivis mon pèlerinage. Je m'imaginais, je dois l'avouer, que le digne Cloarec avait exagéré les merveilles de la biographie de son patron. Mais, en parcourant quelque temps après les vies des saints et le procès-verbal de la canonisation, je m'assurai qu'il n'avait pas ajouté un seul mot à la vérité. Avis donc à mes pieux lecteurs qu'ils croient et s'inclinent comme moi-même. Ceci est un article de foi. Ainsi s'achève la légende du bienheureux Saint-Yves par Pitre Chevalier.